qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. Soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour, messieurs, dames, et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission ludique hebdomadaire depuis 2007. Hey, on est-tu assez winner et continuant... Comment on pourrait dire ça? On est expérimenté, on pourrait dire. Jeune, mais expérimenté. Donc, voilà 2007 de Puissance Maximale. Donc, trois années à vous faire, à vous donner de l'information. Et aujourd'hui, on a, comme d'habitude, on a beaucoup d'informations. Par exemple, dans l'actualité ludique, on a des gros joueurs qui avalent d'autres gros joueurs. Ubisoft qui avale Longtail Studio. Il y a aussi THQ qui s'installe à Montréal. On va parler comme ça de l'ouverture de la succursale. Sinon, aussi, on a Andrew qui est avec nous. Salut, Andrew. Oui, salut, les gars. Donc, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Ben, en fait, je vais faire des critiques diverses là, au niveau là, du jeu vidéo. En fait, on a eu beaucoup de... On a été gâtés ces dernières semaines au niveau des nouveautés. Je vais faire une critique d'un jeu de combat. Donc, en fait, pour répondre à la question de François, en fait, je vais faire diverses critiques au niveau du domaine de jeux vidéo. En fait, je vais faire une critique de Kirby Epic Yarn sur la Wii, Naruto Ultimate Ninja Storm 2 sur la PlayStation 3 et probablement un troisième jeu surprise puisqu'on a toujours une émission très chargée. On va voir dépendamment là, du temps restant. Super. Et dis-moi, Vincent fait la console aujourd'hui et il a la boue dans le toupette. Dis-moi, Vincent, est-ce que tu nous prépares quelque chose toi-même? Ben moi, en fin de compte, c'est que je vais écouter Andrew aujourd'hui. Comme j'ai beaucoup de travail à faire à la console, on est en train d'apprendre la console. Justement, Andrew, on l'entendait pas bien au début de l'émission tout simplement parce que les couleurs de micro ont changé. D'habitude, c'est le jaune qui est là-bas et oui, ça l'a changé. Donc, j'ai allumé le jaune, mais Andrew parlait sur le vert. C'est bien ça, Andrew, que t'as? Exactement, le vert. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc, moi, de mon côté, bien, je vais me suivre. Je vais m'arranger pour vraiment m'occuper de la console et s'assurer que le show, oui, l'émission fonctionne de la bonne façon. Mais dis-moi, avant qu'on passe en musique, François, tu parlais d'actualité ludique. Est-ce qu'on pourrait en entendre parler un petit peu pour faire des commentaires le temps? Certainement, c'est ça. Donc, c'est arrivé à Québec. C'est le studio Ubisoft qui vient d'avaler Longtail Studio. Donc, on se souvient évidemment, Longtail Studio, c'est une entreprise bien de chez nous, bien de Québec. Donc, c'est ça, le studio Longtail n'est plus. Sniff, sniff. Et par contre, les employés ont été transférés chez Ubisoft Québec. C'est ça l'essentiel. Au moins, il n'y a pas eu de perte d'emploi. À part 5 ou 6 employés qui ont été largués dans le transfert. Oh mon Dieu! Pourquoi eux et pourquoi pas les autres? On ne sait pas. Mais est-ce qu'il y a une description sur pourquoi que Longtail a été acheté? Est-ce que c'est une question financière ou encore Ubisoft est intéressé par leurs activités? En fait, c'est pas super, super clair pourquoi effectivement ils sont fermés. Mais toujours est-il que la fermeture de Longtail Studio va permettre à Ubisoft de Québec d'acquérir une expertise supplémentaire ainsi que des développeurs talentueux et expérimentés. Ils vont d'ailleurs participer au développement des projets clés sur Kinect, hein, le gros truc qui s'en vient. Que j'ai bien hâte de voir d'ailleurs, c'est supposé sortir dans le temps des fêtes, si je me trompe pas. Mais d'ailleurs, ça me fait penser en parlant du Kinect, je ne sais pas si tu avais vu la nouvelle, Microsoft a enfin réussi à trouver une façon de jouer assis. Ah oui? Oui, la planète. Qu'est-ce que tu disais par là, là? Ben, ils ont trouvé une façon dans la... que Kaynek analyse le corps humain pour qu'il comprenne enfin quand que quelqu'un est assis. Oh. Ah, fait que là, finalement, ça va avoir la moins ça, que c'est frais, là, comme nouvelle, là. Je parle pas là, d'une nouvelle qui est sortie 4 mois plus tôt, là. Je parle d'une nouvelle là, qui est sortie. Tu arrêtes de me dire que Kaynek commence à être peut-être intéressant? Je suis pas prêt à parier là-dessus parce que si on regarde la presse en général, c'est mitigé. Il y a du monde qui disent que c'est extraordinaire, il y en a d'autres qui disent que c'est moyen, mais on dirait aussi en même temps qu'il y a un facteur d'environnement aussi. Parce qu'ils n'ont pas tous été testés dans des environnements identiques, fait que peut-être qu'on va avoir certains critères à respecter, un peu comme la PlayStation Move au niveau de la lumière. On va voir quand ça va sortir. Là. Bon. Toujours est-il que pour revenir à Longtail Studio, donc l'entreprise existe toujours, mais sa base principale à New York. Ouvert des nouveaux studios à Halifax. Et donc, la directrice générale qui était l'ancienne DG, dans le fond, des bureaux de Québec, qui s'appelle Estelle Jacquemart, dit que l'entreprise se portait très bien et qui est même en période de recrutement pour d'autres projets. Donc, bon, je sais pas qu'est-ce qui se passe exactement. Peut-être qu'il cache des choses. Et apparemment qu'il y a même des postes à pourvoir pour les prochaines semaines. Et donc, Longtail perd environ la moitié de son effectif et tous les projets vont désormais se faire à Halifax. D'ailleurs, ce genre de simili-fusion-là, ça me fait un peu penser à ce qui s'était passé il y a quelque temps avec la compagnie Atlus. Atlus avait eu une fusion avec une autre compagnie. Parles-tu de ceux qui faisaient 3D.Dot Game, là? Est-ce que c'est Atlus qui a fait ce jeu-là, il me semblait? Oui, oui, c'est Atlus. Ça? En fait, la compagnie reste entière, il n'y a pas eu aucune influence. C'est juste parce que, dans le fond, Atlus avait eu un léger problème financier, ou du moins, c'était pas majeur, mais une autre compagnie est arrivée, a comme fait « Ah, ben, je vais combler ton manque d'argent en te donnant de l'argent, mais tu deviens à part entière de mon entité. Mm-hmm. » Mais Atlus reste sous la bannière Atlus quand même. Ben, les acquisitions comme ça se fait quand même couramment dans l'industrie. Les gros mangent les petits. Ben, un peu comme, comme la loi Lionhead. Lionhead qui avait fait Black and White. Absolument. Avec Microsoft, Aster. Oui, et plein d'autres. Hein? Oui, souvent, c'est ça. Les petites compagnies se font manger par les grosses. Et bon, il y avait même des employés sous le couvert de l'anonymat qui ont décidé de commenter leur passage chez Ubisoft. Ils ont affirmé être très heureux de leur transfert. Et donc, ils sont bien contents de passer dans les lignes majeures. C'est sûr que Longtail Studio, c'est pas Ubisoft, là, on s'entend. Et donc, ils seront plus limités à des jeux de téléphone cellulaire pour les marchés hors Canada. Donc, on va leur souhaiter bonne chance. C'est bien. On va passer en musique immédiatement avant de revenir avec Andrew pour une de ses premières critiques. Andrew qui va nous parler justement aujourd'hui de Fallout, le nouveau Vegas. Et pour faire un petit lien avec ça, on va y aller avec la chanson qui s'appelle Anything Goes de Cole Porter, qui nous avait fait connaître le Fallout 3 à l'époque. En fin de compte, la publicité était basée là-dessus, une bonne petite vieille musique là, des années 60. Et on va y aller avec ça. Anything Goes, Cole Porter. Et on revient après ça à Puissance Maximale sur les ondes de CKIA. Times have changed, and we've often rewound the clock since the Puritans got the shock when they landed on Plymouth Rock. If today any shock they should try to stem, instead of landing on Plymouth Rock would land on them. In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking, but now God knows anything goes. Good offers to who once knew better words, now only used for letter words, writing prose. Anything goes. If driving fast cars you like, if low bars you like, if old hymns you like, if bare limbs you like, if Mae West you like, or me undressed you like, why nobody will oppose. When every night the set that's smart is intruding and nudist thought is in studio, anything goes. When Mrs. Ned McLean, God bless her, can get Russian red to yes, then I suppose anything goes. When Rockefeller still can order enough money to let Max Gordon bad today, and good bad today, and black's white today, and day's night today, and that gent today, you gave a cent today, once had several chateaus. When folks who still can ride in jitneys find out Vanderbilts and Whitneys lack baby clothes, anything goes. When Sam Goldwyn can with great conviction instruct Anna's then in diction, then Anna shows, anything goes. When you hear that lady Mendel standing up, now does a handspring landing up on her toes, anything goes. Just think of those shots you got, and those knocks you got, and those blues you got from those news you got, and those pains you got in anything you got from those little radios. So Mrs. R, with all her trimmings, can broadcast the bed from Simmons, cause Frank knows anything goes. Alors bonjour tout le monde, ici Bonhomme Carnaval. Vous écoutez Puissance Maximale, installez-vous à vos jeux et soyez comme moi, le meilleur dans ce que vous faites. Eh oui, d'ailleurs Andrew vient nous parler justement de la... Parce que là c'était une pièce qui était tirée de la trame sonore de Fallout 3 et tu viens justement nous parler de Fallout 3 Vegas. Ben oui, vous avez dévoilé ma grande surprise que je gardais pour la fin, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir. Désolé de l'avoir fait, vraiment. Là. Ben regarde, c'est pas grave. On fait des liens dans l'émission. Hein. Ben c'est ça, c'est garder le suspense jusqu'au moment. En fait, ben Fallout New Vegas qui est sorti mardi dernier, j'ai eu l'occasion de mettre ma main sur une édition collectionneur. Oh, en plus. Oui, une très belle édition. Luxe. Très belle édition d'ailleurs qui venait avec des jetons de poker qu'on retrouve dans le jeu avec un jeton de poker en platinum, en platine je veux dire, avec un comic book en plus qui raconte avant le jeu. Le DVD. Avant le jeu? Oui. Ah ouais. En fond, c'est quand on lit la bande dessinée, le moment où la bande dessinée finit, c'est exactement où est-ce que le jeu commence. Okay. Donc, très intéressant à ce niveau-là, rajoute certains éléments à l'histoire là, qui peut être intéressant. Oui, d'ailleurs, Fallout 3, Fallout en général, ça a toujours été important à l'histoire. Oui, exactement. Mais aussi, en même temps, ben il y a le jeu que j'ai eu l'occasion de jouer. J'ai pas joué encore 20 heures de temps parce que je travaille et j'ai autre chose à faire, mais j'ai joué quand même un bon moment pour me donner un bon avis du jeu. En fait, en premier lieu, j'étais juste à dire que toute personne qui a joué à Fallout 3 et qui a aimé le jeu va adorer Fallout New Vegas. Par exemple, il faut faire attention, Fallout New Vegas n'est pas une révolution au niveau du jeu parce que Bethesda Software ont été avec jurisprudence. Ils n'ont pas réinventé la roue, ils ont gardé le système que le monde avait déjà aimé. Ils ont juste rajouté certains éléments de plus qu'on retrouvait dans les anciens Fallout qu'on n'avait pas dans Fallout 3, comme par exemple les clans. Mm-hmm. Ça, c'est un élément qui avait été beaucoup critiqué dans Fallout 3 par principe que quand on rencontrait des Raiders ou qu'on rencontrait... mettons, le Brotherhood of Steel ou des affaires comme ça. Les mutants, on n'avait pas moyen de dire « Ah, ben je vais être ami avec vous ou je vais être contre vous. Mm-hmm. » Donc, dans Fallout New Vegas, chacune des petites communautés qu'on retrouve dans le monde, en fond, marche avec des clans. Donc, toutes les actions qu'on fait envers un autre clan ou toutes les actions qu'on fait en niveau libre ont un impact sur les relations avec ces différents clans-là. Et ces clans-là ont des territoires aussi au niveau de la carte. Okay. Et ça aussi, en même temps, ça amène un autre élément qui est le déguisement aussi, qui est très intéressant. Ah oui? Parce qu'on peut se déguiser maintenant. On peut se déguiser dans Fallout New Vegas. Mettons, par exemple, qu'on va dans un territoire qui est un territoire qui appartient à la New California Republic, et qu'on décide de tuer un soldat, mais en même temps, on fait comme « Hum, ils sont mieux équipés que moi, et je m'en vais en plein milieu d'une de leurs villes principales, et maintenant, ils ne m'aiment plus, ils vont me tirer à vue. » C'est pas évident, il faut absolument que j'aille là. Donc, on peut prendre les habits du soldat qu'on vient de descendre, on s'habille comme ça, et si on fait rien de suspect, le NCR, dans le fond, qui est l'abréviation, ne fera rien contre nous. On peut même dialoguer, on peut même faire affaire avec leurs marchands sans avoir le malus, dans le fond, de « je t'aime pas ». Donc, c'est quand même très intéressant à ce niveau-là. Mm-hmm. Où ça, en même temps, contrairement à Fallout 3, la carte de New Vegas est remplie. C'est rare qu'on marche dans le monde de Fallout New Vegas et on ne voit pas quelque chose. Ça peut être aussi banal qu'une station-service abandonnée ou quelque chose comme ça, mais il y a tout le temps quelque chose dedans. Des ruines, en fait. Des ruines, dans le fond. Donc, même en plus, il en parle beaucoup au début du jeu, comme de quoi ça vaut la peine de visiter les bâtiments abandonnés parce qu'il y a des trésors ou des choses, des reliques qu'on peut trouver. Qu'est-ce qu'il n'y avait pas dans Fallout 3? Dans Fallout 3, il y avait beaucoup de bâtisses, que c'était des coquilles vides. On rentrait dedans, on faisait le tour et il y avait juste rien. OK, ça servait à rien de faire de l'exploration. Là. Exactement. Tandis que dans New Vegas, il y a vraiment une panoplie de choses à visiter. Il y a beaucoup d'événements aléatoires. Le fait qu'il y ait rajouté les clans, ça fait en sorte qu'on a plusieurs possibilités d'histoire. Parce qu'admettons que tu décides d'être ennemi avec un clan en particulier, mais qu'en même temps, t'aides un autre clan, ben tu sais, les missions qui vont t'emmener à la fin du jeu ne seront pas identiques. Donc, ça augmente une rejouabilité. Et aussi, en même temps, il y a tout l'aspect aussi de deux principes. Dans New Vegas, il y a deux types d'environnements dans lesquels on peut jouer. Il y a le Wasteland, qui est l'extérieur de New Vegas, où on retrouve les Raiders, les Brigands et toutes les compagnies. Et il y a New Vegas, dans le fond, qui est la place bourgeoise avec les joueurs de poker et le monde qui vivent dans l'ancien monde. Parce que la ville de New Vegas n'a pas été touchée par la bombe atomique. Donc, c'est l'ancien monde qui est là. Donc, mais c'est tout barricadé. À l'époque des années 50, 60, quoi? Ce jeu-là se passe quand même en 2117, je crois. Donc, c'est vraiment dans l'univers parallèle qu'on reconnaît de Fallout. Là. C'est comme un peu le monde parallèle. La bombe est tombée dans les années 50-60. Fait que tout ce qu'on trouve dans le jeu, ça revient. Tout marche à base de nucléaire, quasiment, et tout le kit, là, comme on reconnaît dans les jeux Fallout. Parce que c'était quand même une année 50 très évoluée, là, contrairement à ce que nous autres, on avait des années 50, là. Mais non, c'est très intéressant parce que, tu sais, c'est vraiment deux mentalités, mais en même temps, New Vegas sont pas très accueillants au niveau du monde extérieur parce que, dans le fond, ils tiennent à leur ancienne mentalité, mais en même temps, les Raiders, ils vivent à les règles du nouveau monde, ils disent que les règles de l'ancien monde sont obsolètes, mais ils ont quand même une envie de vivre l'ancien monde, puis, tu sais, c'est tout des conflits. Quand même. C'est ça, tu sais, il y a tout des conflits, des guerres, donc, tu sais, on parle quand même d'un monde en constante évolution malgré le fait qu'on joue, donc, je dirais que, moi, personnellement, je trouve que Fallout New Vegas est plus complet que qu'est-ce que Fallout 3 avait offert et offre quand même une jouabilité. Ma foi, je crois qu'on a du jeu pour pas mal plus longtemps que qu'est-ce que Fallout 3 pouvait nous offrir. Ah oui, plus longtemps? Oui, ben du fait qu'on a plusieurs possibilités de chemin pour se rendre à la fin et sans compter qu'il y a possiblement plusieurs fins, fait en sorte que, à mon avis, pour passer vraiment à travers le jeu complet, là, on va compter plus de jeux, plus d'heures de jeu. Et ça, sans compter tous les DLC que Bethesda prévoit faire, DLC qui est pour le contenu downloadable, là, dans le fond, téléchargeable. Donc, ça risque d'être quand même très intéressant au niveau du jeu. Je vous dirais que ça serait vraiment à surveiller. Et si vous êtes capable de mettre la main sur une édition collectionneur encore actuellement, si vous êtes un fan de Fallout, je vous dis ça vaut la peine. Le comic book est vraiment génial au niveau du jeu. Et il n'est pas disponible sur Internet, le comic book de Fallout 3 Vegas? Pas celui qui est dans l'édition collectionneur. On peut avoir des livres, des romans, des éléments du monde de Fallout que Bethesda ont fait, dans le fond, mais le comic book qui vient dans l'édition collectionneur est unique à l'édition collectionneur. Okay. Peut-être qu'il y a du monde sur eBay qui vont le vendre séparément, mais on ne pourra pas le trouver en librairie ou des choses comme ça. Okay. Il est vraiment propre à l'édition. Puis sinon, Andrew, est-ce qu'il y a d'autres différences entre le Fallout 3 normal et le New Vegas? Au niveau du New Vegas, je dirais aussi... Il y a des équipements, par exemple, des armes supplémentaires? Oui, mais en fait, c'est sûr que comme toute autre suite, il y a des armes supplémentaires. Aussi, en même temps, chaque arme ont des types de balles différents à cette heure. On peut avoir, mettons, une carabine, il peut avoir des balles perforantes, des balles incendiaires, ces éléments-là qui ont des effets différents. Les armures sont immunisées à certains types de balles aussi. Puis aussi, en même temps, qu'est-ce qui est intéressant, c'est le système économique. Dans Fallout 3, on avait un système avec des bottle caps, qui étaient les bouchons de bouteilles. C'est des bouchons de bouteilles, l'argent là-dedans, je veux dire. Ouais, ben ça cause que plus. De l'avoir partout, là, je veux dire. Ben ça cause c'est du métal, puis je présume que c'est un aspect de recyclage parce que plus que tout est brisé, ben faut faire avec question. Là. Mais dans Fallout New Vegas, tout est séparé en différents pays, un peu en quelque sorte. Fait que tu sais, il y a la New California Republic, il y a un autre clan qui s'appelle la Légion qui prend beaucoup de place, puis il y a New Vegas et sans compter les Wastelands en général. Les Wastelands en général marchent encore avec les Bottle Caps. Mais le NCR, la New California Republic, marche avec de l'argent de New California Republic. OK. Et la Légion fonctionne avec des écus. Et New Vegas fonctionne avec des poker chips. OK. Fait que tu as plusieurs sortes de monnaies différentes, là. Exactement. Fait que, est-ce que le taux de change est bon entre les deux? Normalement, les autres pays ne prennent pas l'argent. Carrément, il n'y a pas moyen de changer. Non, c'est vraiment leur système à eux. Aussi, en même temps, il y a eu l'apparition du système hardcore aussi au niveau de Fallout New Vegas qui rajoute l'élément de la faim et la soif. Ah! Donc, on est obligé de boire et de manger. Ah, ça, c'est nouveau, et ça? Et si on le fait pas, ben ça implique que la vie ou des effets négatifs vont être sur le personnage. Et aussi, en même temps, les munitions et l'argent ont un poids. OK. Ah, donc, il y a un poids aussi maintenant. Donc, on ne peut pas contrôler, avoir autant de choses qu'on veut. Et ça, c'est uniquement dans le mode hardcore. Okay. Le mode standard marche encore avec le système de Fallout 3. Super. En tant que tel, je dirais que c'est pas mal le tour des innovations. Comme je dis, c'est une mise à jour timide, mais j'ai plus apprécié mon expérience de jeu dans Fallout New Vegas que dans Fallout 3. Ça m'a permis de redécouvrir un jeu qui est excellent. Donc, je le recommande à toute personne qui a aimé Fallout 3. Donc, un jeu qui est excellent, mais également qui fait un retour dans le passé par rapport aux autres Fallout. Oui, exactement. On retourne vraiment sur la trame là, principale qu'on retrouvait dans Fallout 1 et 2 dans le temps que c'était Interplay qui faisait les scénarios. Donc, ça fait retour vraiment un clin d'œil du monde un peu loufoque où on va revoir des robots cowboys et tout le kit. Là. Donc, non, c'est très intéressant. Puis, comme je dis, c'est un monde riche en histoire là, ça nous tente de l'explorer. Là, c'est pas comme Fallout 3 qu'on fait comme « Ah, j'ai 15 minutes de marche à faire encore. » Excellent. Bien, merci beaucoup, Andrew. Tu vas être avec nous encore tout le reste de l'émission pour parler d'autres découvertes que tu as fait cette semaine. Exactement. Et ben, on parlait de Fallout. Parlons justement de trames sonores de jeux vidéo. Là, j'ai une autre chanson pour vous qui a été vraiment, là, moi, une de mes... pas de mes découvertes parce que je connaissais déjà la chanson, mais quand je l'ai entendue dans ce jeu-là qui était Grand Theft Auto Vice City, ça l'a tout changé vraiment. Là. Vous savez, dans le jeu de Grand Theft Auto à l'époque, ben, encore une fois, on peut se promener en voiture ou en hélicoptère, puis on a toujours de la musique qui joue avec différentes stations. Absolument. Eh bien, il y avait la station Fernando, là, ben, en fait, on était animateur de Fernando avec une station un petit peu plus Emotions, que ça s'appelait. Et il y avait des chansons du style I would die in your arms tonight. Tu sais, t'es en train de jouer à Grand Theft Auto, t'es en train d'éliminer. des gens sur le toit d'un hôtel, c'est ça qui joue quand tu es dans l'avion. Il y en avait une autre comme ça, c'était une chanson de Toto qu'on va écouter à l'instant, le temps de se remémorer que de bons souvenirs de l'année 1982. Whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. Turn to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Gotta take the life to take me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. I bless the rains down in Africa. Cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, as sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. We'll be right back. Bonjour, je suis Frodon et j'écoute Puissance Maximale. Ok, oui, c'était de toute beauté cette musique-là. Une musique qui a tiré du jeu GTA Vice City. Nous sommes toujours en compagnie de Andrew, notre spécialiste de culture japonaise et autres. Oui, bien en fait, on va continuer avec d'autres critiques, puis j'en avais annoncé quand même trois, donc plus que ma troisième a été annoncée par Vincent, enchaînons avec les autres. En fait, ben le deuxième jeu que je vais vous parler, dans le fond, c'est Naruto Ultimate Ninja Storm 2 sur la PlayStation 3, qui est un jeu qui est sorti aussi mardi dernier, en même temps que Fallout New Vegas. Bon, je vous avertirai tout de suite que j'ai plus joué à Fallout qu'au jeu de Naruto, mais j'ai quand même... jouer assez longtemps pour me fonder une opinion aussi sur à ce niveau-là, juste pour donner un aperçu rapide sur c'est quoi le jeu. En fait, le jeu de Naruto est un jeu de combat, un contre un, comme on retrouve dans la majeure partie des jeux de combat, qui est basé sur le dessin animé japonais Naruto qui passe à Télétoon et sur tout et le canal. Et dont le personnage principal s'appelle? Naruto. Que toutes les filles capotent dessus. Non, il capote plus sur Sasuke, qui est le rival de Naruto, parce que Naruto est assez loser au début, normalement. Là. Mais moi, pour avoir déjà fait l'expérience, là, essayez de... Si vous voyez un groupe de jeunes filles là, de 14 ans, dites-leur le nom Naruto, d'habitude, ils vont se mettre à crier. Ouais, mais c'est généralement les personnages autour de ce personnage-là. Mais bref, l'optique, c'est que au niveau du jeu de combat, moi, personnellement, la série Naruto, j'ai décroché depuis le temps, parce que c'est une série que personnellement prend en longueur et moi j'ai décroché, mais les séries de jeux de combat qui ont fait sur console est toujours aussi excellente à mon opinion. Pour donner une idée au niveau du système de combat, c'est du combat 1 contre 1, mais c'est quand même très rapide parce que ça reste des ninjas, donc on joue dans une arène généralement ronde et dans le fond on a vraiment tout l'arsenal ninja qu'on peut utiliser, donc on peut lancer des shurikens ou des kunai qui sont les genres de petites lames de jet. En même temps on a des accessoires dépendamment des personnages, tu peux aller du parchemin explosif jusqu'à la bombe ou encore au sac de kunai que quand il éclate, il en envoie plein. Puis en même temps, on a aussi toutes les techniques, parce que les ninjas dans Naruto ont des techniques spéciales qu'on appelle des jutsu, et on a évidemment les jutsu là, dans le fond là, de la série animée qui sont faites dans le jeu pour être utilisées en échange de chakra, qui est un peu l'énergie particulière pour le faire. Donc c'est quand même très très rapide. Je vous dirais, en moyenne, les combats ne durent pas 10 minutes dans ce jeu-là. C'est plus rapide, ouais. C'est en moyenne un combat, même à niveau de difficulté assez élevé. Généralement, 30 à 45 secondes, une minute à peu près, là, c'est réglé. Le combat est fini. Et il y a trois rounds comme dans toutes non, les... Non, c'est un round au niveau de Naruto. Okay. Il n'y a pas de multiples rounds. C'est un combat et dès que c'est fini. Il faut choisir d'autres personnages ou faire réessayer. Mais en fait, la particularité que je dirais plus dire au niveau de ce jeu-là, c'est que d'un, Vincent en a parlé quand même plusieurs fois avec les jeux qui sortaient sur la Wii. Le jeu de Naruto est fait avec du cel shading, qui est un peu un genre de graphique 3D ressemblant à du dessin animé. Mais ce qui est quand même très bien pour la Wii, parce que justement, on ne peut pas faire mieux que ça présentement. Imagine sur la PlayStation 3. Ouais, j'imagine que c'est ahurissant. On regarde les graphiques de ce jeu-là et c'est vraiment, mais vraiment impressionnant. Le détail au niveau des environnements, même en même temps, les environnements, qu'est-ce que je trouve vraiment génial dans ce jeu-là, puis comme qu'ils ont fait depuis toujours au niveau de la série, ils vont mettre le premier plan vraiment en 3D, cel shading. T'es vraiment d'une belle qualité. Ils mettent une texture vraiment bien dessinée avec le fameux... fini crayon qu'on voit, mais l'arrière-plan, c'est une image dessinée, mais ils l'ont tellement mis en haute résolution qu'on dirait que c'est une continuation du 3D, mais c'est pas du 3D. Dans certains cas, quand on voit le jeu, on s'attarde bien comme il faut, quand il reste longtemps sur un plan, t'es là, hey, la bâtisse, dans le fond, c'est un dessin. C'est impressionnant. Hein? Puis pendant un moment, je pensais que c'était vraiment un 3D. Tu sais, quand on dit que le jeu vidéo s'approche de l'art, là, on parle souvent de l'art peut-être cinématographique, par exemple. On a mis beaucoup de cinématiques dans les jeux vidéo et tout ça. Mais vraiment, là, cette technique-là de création de jeux vidéo, là, ça s'approche vraiment de l'art plastique, de la peinture et ces choses-là. Là, c'est impressionnant. Hier, justement, je rejouais, ça faisait longtemps que je n'avais pas joué à la Wii, puis je rejouais à... mon Dieu, il fallait juste que je le dise pour l'oublier, là. Red Steel 2. que j'avais commenté ici, que j'étais quand même impressionné avec le jeu, malgré le fait que j'ai vu des petits défauts hier, justement, que j'avais pas vu la première fois. Mais au niveau graphique, là, c'est incroyable pareil, parce que la Wii, elle peut pas donner plus que ça. Donc, Naruto, tu dis que c'est dans le même style? Ben c'est ça, c'est du cel shading, mais encore poussé plus loin du principe que la console est haute définition. Fait que justement, ça leur permet de faire le palier. Comme je disais, ils mettent une image vraiment en haute définition, en arrière-plan, et on ne voit que du feu. On dirait vraiment que c'est profond. Mais quand on joue et qu'on... Parce que, en fait, un des défauts que j'avais reproché au jeu au début, mais tu sais, qu'on s'habitue un peu, c'est que les cartes sont très petites pour naviguer parce qu'ils ont vraiment mis l'emphase sur la beauté du décor. Fait que tu sais, on n'est pas dans une carte ouverte comme on peut retrouver. Parce qu'en fait, entre chaque combat là, dans la campagne solo, Naruto peut se promener dans le village, peut se promener dans le monde en fait de Naruto, peut aller n'importe où comme il veut, et il rencontre des personnages, peut lancer un défi, ou encore peut suivre vraiment l'histoire du manga qui est couvert dans le jeu. Mais comme exemple, dans le premier Ninja Storm 1, il y avait vraiment une carte ouverte. Tout était dans le jeu déjà. Fait que, t'sais, quand on se promenait, on pouvait grimper ces bâtiments, on pouvait voir vraiment le village au complet, et t'sais, on avait quand même des boutiques qu'on pouvait visiter, tout le kit. Dans Ninja Storm 2, c'est le même principe, sauf que ils ont pas laissé la liberté aux joueurs de se promener dans le village comme il y avait dans le premier. C'est généralement une rue. On a l'intersection. Quand on va dans l'intersection, il y a une carte qui se charge. Les loadings sont pas longs, mais t'sais, je trouve que ça enlève un peu de fluidité au niveau du mouvement, mais ils ont fait ça pour vraiment mettre de l'emphase sur le graphique de l'environnement, puis ça se voit de suite. T'es comparativement au premier, les textures étaient moins développées, tandis que dans celui-là, quand on voit un mur de ciment, on dirait vraiment que c'est du ciment, mais en même temps, on voit très bien que c'est dessiné. Fait que là, t'es, c'est comme... OK, t'es, les textures sont quand même très poussées à ce niveau-là, mais on parle quand même d'une richesse de décor quand même très bien. Là, quand on se promène en forêt, on voit la forêt très profonde, mais t'es, quand on arrive au bout, c'est là qu'on a tendance à voir que ouais, bon, c'est une image, mais t'es, c'est une continuation quand même. Mais t'es, ça enlève un peu un effet de profondeur au jeu, à mon opinion. Là. Mais ça n'enlève rien au niveau là, du système de combat et tout le kit. Là, on s'entend, là, c'est seulement le entre-deux combats là, qui est différent. Mais à ce niveau-là, je dirais là que la trame narrative du manga est quand même très bien respectée au niveau de l'histoire, à quelques variantes près, mais généralement le jeu est très très fidèle à ce que le manga a au niveau là de la bande dessinée là. Je dirais là généralement les chapitres sont dans le bon ordre, il y a pas trop d'éléments qui pourraient faire en sorte qu'on fasse comme OK, c'était pas dans la bande dessinée ça, d'où que ça sort ça. Tandis que là on voit que c'est vraiment très respecté, ça suit vraiment la trame narrative du manga, même les combats en solo, les moments assez épique dans le fond là, des combats que aucun autre jeu avait fait parce que c'était trop exigeant. Ils l'ont fait dans un principe de mini-jeu en plein combat. Mettons que le boss, l'adversaire tombe à un niveau de vie X dans le fond dans sa barre, il y a une cinématique qui part avec des quick time event dans le fond là, mettons appuyer sur X, Y, droite, gauche, appuyer sur rond à répétition, ben c'est vraiment une animation de l'attaque spéciale comme on avait dans l'animation, c'est très impressionnant à voir, c'est pas facile. Et après ça, il y a des mini-jeux généralement aussi, mettons exemple un personnage est volant, ben l'autre il peut courir après, il faut lancer des conneilles, il faut le faire tomber pour pouvoir tomber dans un combat régulier, très dynamique. Peut-être un seul malus par exemple, c'est qu'on n'a pas ces éléments là dans le combat en multijoueur. Ça, c'est peut-être quelque chose que j'ai trouvé un peu plate parce que ça limite un peu les attaques. Mais au niveau du solo, c'est du simple joueur, c'est tout simplement impressionnant à regarder. Sinon, multijoueur, c'est très intéressant, un bon jeu de combat. Je vous dirais, il est peut-être un petit peu dispendieux, par exemple, mais il est quand même des alentours de 64$ pour un jeu qui est quand même... Limité, puis en même temps, on voit quand même qu'il y a un certain apport du gain au niveau de la franchise Naruto. Là, c'est très populaire au niveau des jeunes, fait qu'ils en ont profité pour gonfler le prix. Je dirais, par exemple, ça descend de prix rapidement, ce jeu-là, généralement, peut-être à attendre, l'acheter quand il va descendre de prix, ça va valoir la peine. Puis en même temps, c'est un jeu qu'on retrouve facilement dans l'usager, généralement. Mais ça vaut la peine. Si vous êtes amateur de jeux de combat, la Smash Bros. Ou ces éléments-là, c'est un jeu à découvrir, c'est très divertissant, combat rapide, parfait pour un party. Excellent. Et on va passer en musique immédiatement. Et Andrew, tu nous as amené de la musique un peu spéciale. Peux-tu nous parler un peu du contexte de l'auteur, justement, qui reprend ces chansons-là? Et après ça, je vais vous dire le titre de la chanson que j'ai choisie. Ben en fait, l'auteur s'appelle Richard Cheese. C'est son nom d'artiste, en fait. Je ne sais pas son nom complet. Mais en fait, c'est c'est un artiste, dans le fond, qui joue beaucoup à des mariages ou de Las Vegas. C'est le principe, c'est que lui... Un chanteur de noces. En fait, c'est une joke, là, en fait. Là. Vous allez, ouais. Il s'est passé pour un chanteur lounge kitsch un peu, mais en réalité, il reprend des, ouais, ben, des c'est chansons ça, c'est, métal. C'est ça que j'allais arriver à dire. Puis dans le fond, il a tout fait ça avec l'autorisation des artistes, mais des fois, ça donne des résultats assez, assez impressionnants. Disons que Smell Like Teen Spirit de Nirvana en version chic cabaret club, là, c'est très... c'est quelque chose qu'on pourrait passer ici sans problème. Moi, ouais, ben, il y a certaines tunes des fois qui sont un peu avec un langage assez élevé, comme exemple, il y a une chanson People Equal, je dirais pas le mot, de Slipknot, que quand on écoute les paroles, c'est va comme... Va falloir que je change le titre parce que c'est ce que j'allais mettre. Non, pas du tout. Mais en fin de compte, on va écouter ça, c'est Andrew qui nous amène ça, et en fin de compte, on va y aller avec une chanson qui est très à propos pour aujourd'hui. C'est un bon vieux titre que moi j'avais apprécié dans le temps, de Garbage. Only Happy When It Rains, c'est sur les ondes de CKIA à puissance maximale que vous écoutez ça immédiatement. When it rains, I'm only happy when it's complicated, and though I know you can't appreciate it, I'm only happy when it rains. You know I love it when the news is bad, why it feels so good to feel so sad. I'm only happy when it rains. Parce qu'on aime trop ça, on va y aller avec une autre chanson qu'Andrew nous a amené. Ça va être Les Killers, et on revient à puissance maximale dans 3 minutes. Les Killers avec Somebody Told Me. No, I'm fine. I'm fine. Just go ahead and start. Start. No, I'm fine. Just go ahead. Start playing! Go! Yeah, that's good. This is one of my favorite songs. Thank you. Raking my back just to know your name. 17 tracks and I've had it with this game. But heaven ain't close in a place like this. Heaven ain't close in a place like this. Bring it back down, bring it back down tonight. Ooh. Never thought I'd let a rumor ruin my moonlight. Somebody told me you had a boyfriend who looked like a girlfriend that I hadn't. February of last year. It's not confidential. I've got potential. Well, somebody told me that you had a boyfriend who looked like a girlfriend, and I had in February of last year. It's not confidential. I've got potential. Somebody told me. Thank you, good night. Et c'était Somebody Told Me avec Richard Chee, c'est bien ça, Andrew? Oui, exactement. Comme on a pu remarquer au niveau des interprétations de Richard Chee, il reprend toujours un peu en chic cabaret club et à sa petite sauce un peu, comme Somebody Told Me. On peut voir qu'il était un peu en peine d'amour de la façon qu'il chantait ça. Oui, vraiment. Il y avait quelque chose qui se passait. Ça allait pas bien, là. On entendait beaucoup les glaçons dans le fond du verre. Je sais pas si c'est de l'eau qu'il buvait, mais à mon avis, c'était très intéressant. Avoir le ton de la voix vers la fin, c'était pas seulement de l'eau qu'il buvait, bien sûr. Mais un chanteur de cabaret, hein, il a quand même le droit. Oui, exactement. Normalement, il y a un joueur de piano et ça se passe tout le temps dans un bar. Fait que... Vous êtes toujours sur les ondes de CKIA, vous écoutez Puissance Maximale. On vous rappelle que Puissance Maximale, c'est une émission de radio, oui, diffusée sur CKIA les lundis à 17h, mais également, vous pouvez nous prendre en reprise sur notre site Internet. Donc, vous téléchargez l'émission au www.puissancemaximale.com et vous nous écoutez également à travers le Canada, à travers le réseau des radios francophones canadiennes qui nous diffuse. Et également en France, on salue nos cousins français, nos cousins francophones européens qui nous prennent avec Abandonware France. Merci de télécharger notre émission. Sur notre site Internet, vous pouvez également retrouver nos adresses courriels, nos contacts pour nous envoyer des courriels qu'on reçoit à toutes les semaines. Et on va continuer un peu avec de l'actualité. Une dernière critique d'Andrew qui a fait vraiment une grosse semaine de jeu cette semaine. Un petit peu d'actualité, Andrew? Oui, bien en fait, pour faire suite à l'actualité qui avait été annoncée un peu plus tôt au début de l'émission, en fait, on va faire un retour sur l'ouverture de THQ au niveau de Montréal. En fait, il y a une annonce qui a été faite comme de quoi que le studio THQ allait venir s'installer à Montréal et ainsi créer environ 300 à 400 emplois. Le développeur a aussi confirmé l'arrivée de Patrice Desilets au niveau de son équipe, qu'est-ce qui est quand même une bonne nouvelle. On se rappelle quand même de certaines bonnes réalisations que Patrice avait déjà faites. Aussi, en même temps, on parle que THQ allait s'installer dans l'édifice voisin du Palais des Congrès de Montréal. Donc, c'est quand même un gros studio qui va venir là, s'installer à Montréal. À mon avis, ça offre quand même une autre bonne possibilité là, au niveau des programmeurs québécois là, de montrer là, ce qu'ils sont capables de faire au niveau d'un studio américain comme THQ. Qu'on parle quand même de gros titres qu'on a déjà fait au niveau THQ. On parle de Warhammer, on parle de Red Faction, Saint Rose. Donc, oui. ça a quand même un bon potentiel. Oui, Saint Rose, c'est vrai. J'avais complètement oublié celui-là, qui est quand même eu un succès. Et le deuxième, ils en ont fait quand même un deuxième titre. Là. Ça veut dire qu'il y avait une demande au niveau de ce type de jeu-là. Exactement. Ben, c'est toujours bien d'avoir des différents types de GTA, parce que GTA, c'est quand Grand Theft Auto, c'est très bien, mais des fois... Une variante, une petite compétition. Un petit peu de compétition, ça fait du bien, justement. Ça permet de remettre... en fin de compte, Saint-Row était un petit peu plus bande dessinée. Quand Theft Auto, on essayait de le faire un peu plus réaliste. Je dirais que c'était plus basé au niveau arcade. Oui. Grosse explosion, grosse fusillade, un gars quasiment pas tuable. C'était généralement ça, Saint-Row, tandis que Grand Theft Auto, le gars, il est quand même assez vulnérable. Hein, quand on se retrouve dans une gang de rue, on est mieux de se cacher. Oui, c'est ça. Puis notre personnage dans Grand Theft Auto, en fin de compte, a toujours eu un rôle où il pouvait parler un peu plus. Dans Saint-Row, on entendait, en tout cas, le premier, j'ai pas joué au deuxième. Là. Notre personnage était plutôt « Fais ce que je te dis de faire, va-t'en à gauche, à droite et ne réponds pas » parce qu'il parlait pas vraiment. Non, ben c'est ça, il faisait quelques exclamations comme « Ok, oui, non, ah, ou ah » mais à part ça, il faisait pas grand-chose d'autre au niveau là, des dialogues. Là. Andrew, tu nous parles d'un dernier jeu aujourd'hui? Oui, la dernière critique, évidemment, on dit à avoir trois critiques aujourd'hui, le monde, ils pourront quasiment dire que j'ai pas de vie. Ben, c'est l'émission Andrew Castegan aujourd'hui, il faut pas oublier ça. Ouais, ben c'est ça, fait que au niveau de la troisième critique, on parle de Kirby Epic Yarn, un autre jeu qui est sorti la semaine passée sur la Wii. En fait, Moi, je vous dirais là, qu'au niveau de ce jeu-là, c'est, à mon opinion, c'est le grand retour de Kirby sur les plateformes nouvelle génération. On avait eu une couple de Kirby au niveau des consoles portables, au niveau de la Nintendo DS. Mais on n'avait pas eu de titre sur vraiment une console de salon depuis Kirby 64. Qui avait pour les gens, nous, là, qui pensent à Kirby parce qu'ils l'ont juste découvert, par exemple, dans un jeu de combat style mêlé, tout ça, Kirby vient d'où? Ben en fait, Kirby est une charmante petite boule rose qui est le protecteur du royaume des rêves. Et dans le fond, c'est un jeu qui a fait ses débuts... On parle du NES, là. Oui, en fait, c'est ça, on parle de l'époque du NES, c'est ça. Qui était un jeu de plateforme, dans le fond, un peu à la Mario. La particularité que Kirby avait, c'est qu'il avait la faculté de manger ses ennemis et de voler les pouvoirs de l'ennemi. Donc, qu'est-ce qui avait fait de la signature et le succès, en quelque sorte, de Kirby, parce que ça rajoutait une variante qu'on n'avait pas à l'époque au niveau des jeux de plateforme. Et là, en 2010, on a une nouvelle version de Kirby qui sort pour les amateurs de Nintendo, justement, qui sort sur la Wii, c'est bien ça? Exactement. Version disque? Version WiiWare? C'est version disque. C'est vraiment un jeu complet là, qu'on achète là, dans le magasin. C'est pas un jeu qui est en WiiWare. C'est vraiment un nouveau titre avec une nouvelle variante, dans le fond. Nintendo a vraiment essayé là, de ressusciter la franchise Kirby pour vraiment l'adapter. Parce qu'en fait, juste pour faire un petit retour en arrière, au niveau de Kirby 64, qui avait été fait à l'époque au Nintendo 64, ça avait pas fait un franc succès en tant que tel parce qu'il avait gardé la même base, dans le fond, qu'il avait à l'époque au niveau là, du Nintendo ordinaire, un jeu de plateforme linéaire avec la faculté de sauter et d'avaler les ennemis, sauf que il n'y avait pas rien innové depuis si longtemps. Et quand il avait annoncé au 64 qu'il allait sortir un nouveau Kirby, mais le monde s'attendait un peu comme qu'est-ce que Donkey Kong 64 avait fait. Oui. Donc, quand ils ont commencé à jouer à Kirby 64, il y a eu une légère déception. Au niveau de la Wii, ils ont gardé la même formule que qu'est-ce qui était sur le NES. Ils n'ont pas refait de jeu d'aventure comme on pouvait voir avec Paper Mario ou encore avec Donkey Kong 64 à l'époque, pour leur citer encore. Mais ils ont tellement laissé un trou entre Kirby 64 et Kirby Epic Yarn que je dirais que les joueurs sont comme contents un peu de retrouver la vieille système que le monde connaissait. Mais ils ont quand même mis une certaine twist un peu au niveau du gameplay, parce que Kirby dans Epic Yarn n'avale plus ses ennemis. Donc, il fait une autre chose. Pour faire un topo rapide sur l'histoire, en fait... Est-ce que c'est un secret ce qu'il fait ou... Non, ce n'est pas un secret. Une fois que je vais expliquer l'histoire, tu vas comprendre. En fait, c'est que Kirby, un beau matin, décide de prendre une marche dans le monde des royaumes des rêves. Et à un moment donné, en fait, en passant, Kirby est un personnage qui est très gourmand. En fait, tout ce qu'il peut manger, il va le manger généralement. Et dans sa marche, il découvre une tomate un peu étrange. Puis il dit, une tomate, c'est son fruit préféré, fait qu'il mange. Mais c'était une tomate magique qui appartenait à un méchant sorcier fait de tricot. Qui décide, dans le fond, de se venger de Kirby et de lui lancer une malédiction et de l'envoyer dans le monde du tricot. Donc, Kirby n'est pas dans ce chapitre-là, dans le fameux royaume des rêves dans lequel il est depuis des années. Il est rendu dans le monde du tricot. Tout est fait en tricot dans ce monde-là. Et Kirby l'est aussi. Donc, évidemment, puisque Kirby est rendu en tricot, ben, c'est juste le contour qui est fait en fil de tricot. Donc, même si Kirby aspire pour essayer d'avaler quelqu'un, ben c'est impossible parce qu'il est vide lui-même. Fait que qu'est-ce qu'il décide de faire? Grâce au pouvoir magique de la tomate qu'il a mangé un peu plus tôt, il est capable de se transformer à volonté et d'utiliser son corps comme un lasso pour ainsi aller soit détruire les ennemis ou encore les rouler en boule et faire en sorte que cette boule-là, dans le fond, ait le pouvoir de l'ennemi. Comme, mettons exemple, on pogne une abeille, ben l'abeille, elle va devenir une flèche et dès qu'on la lance, ben elle va aller traquer l'ennemi le plus proche pour ainsi frapper dessus et le détruire. Donc, c'est quand même une variante qui est très intéressante, sans trop dépayser les joueurs, parce qu'au lieu que Kirby les mange, ben, il les roule en boule. Donc, ça revient quand même quand même relativement la même chose. Oui, c'est ça. Sauf que la chose qui est différente, par exemple, c'est que Kirby ne garde pas le pouvoir, contrairement à l'époque, c'est des pouvoirs utilisables une seule fois. Puis je vous dirais, Si vous avez aimé les Kirby à la NES, au Super Nintendo et tout ça, vous allez adorer Kirby Epic Yarn parce qu'on retrouve les mêmes bases qui ont fait le succès de la franchise depuis des années. Je dirais même le fait que tout est en fil de tricot, ça apporte quand même son charme. Je dirais les décors sont vraiment très beaux. Puis ça, en même temps, je dirais que ça fait en sorte que ça apporte un autre aspect au gameplay parce que le fait que tout est en tricot, ça implique qu'on peut tirer sur des fils, on peut dézipper des zippers, des choses comme ça, et ça permet d'aller en arrière-plan du tissu, ça permet de faire changer le décor autour. Donc ça permet d'emmener une variante à chaque tableau, et en même temps ça permet de découvrir des objets cachés au niveau là, de ces éléments-là. Donc je dirais que c'est quand même très bien. Seul petit malus que je donne au jeu, il est peut-être un peu trop facile. Mais ça, Kirby a toujours été relativement facile depuis des années parce qu'ils veulent pas non plus. C'est pas fait pour un hardcore gamer. Maintenant, tu veux avoir vraiment un défi. Kirby, normalement, c'est pas ton choix de prédilection. Ben, ça va être d'abord avant tout, malgré le fait qu'il y a des adolescents, qu'il y a des adultes qui jouent à ce jeu-là, j'imagine que d'abord avant tout, c'est fait pour les enfants. Oui. Déjà, juste au départ, de la façon que l'histoire du jeu nous est racontée, c'est nous est racontée comme un conte de fées, donc c'est sûr que c'est basé plus pour les enfants, mais t'es autant un adulte qu'un adolescent qui a déjà joué ça quand étant plus jeune, ou même un nouveau joueur, va retrouver quand même un plaisir à jouer à Kirby. Mais c'est juste parce que, comme moi, mettons exemple que je veux jouer un jeu qui va me faire sacrer et que je vais jouer des heures et des heures parce qu'il est trop difficile, ben je vais plus jouer un jeu comme Ninja Gaiden. Tu jouerais pas à Kirby. Kirby, c'est un jeu qui se joue à petite dose, ouais. Parce qu'il est divertissant. Parce que c'est sûr que si je m'assis, je me dis là, je joue à Kirby pendant une journée entière, c'est fort probable que je vais passer à travers le jeu. Mais tu sais, c'est vraiment l'optique que le jeu, il est divertissant, il est le fun, puis tu sais, il est pas trop difficile, on n'a pas à se casser la tête à se dire ah non, j'arrive à un boss, il me reste deux barres de vie, ouais. Ou ces éléments-là, c'est vraiment juste là, qu'on y va petit pas à petit pas. Donc un jeu très intéressant. Un jeu de oui, en terminant, Ando, oui. Côté jouabilité, avec Nunchuck, avec Wiimote seulement? Wiimote uniquement, du style classique. Format classique, okay. Comme au Nintendo ordinaire, dans le fond. Là. D'ailleurs, si vous voulez vous sentir nostalgique un peu, le Nintendo Power, le magazine, oui. De ce mois-ci, offre un collant avec le dessin de l'ancienne manette du Nintendo qu'on peut coller sur la Wiimote. Sur la Wiimote, pour être... Je trouvais juste que ça valait la peine de mentionner. Ah, mais c'est quand même intéressant. Quand même un beau petit clin d'œil fait par Nintendo Power là-dessus. Exactement. Alors, c'était le jeu Kirby. Aujourd'hui, également, nous, tu nous as parlé de... J'ai parlé de Fallout, qui est un jeu que toute personne qui a adoré Fallout 3 doit avoir dans sa collection vidéoludique. Est-ce qu'on doit absolument avoir la version que tu as achetée, celle avec tous les petits gadgets? Si vous êtes un fan de Fallout et que vous adorez l'univers, c'est un must. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine de mettre la main dessus. Si vous vous dites « Ah, ben c'est un jeu que j'ai le goût d'essayer, je connais pas en tant que tel l'univers », c'est pas essentiel. Le jeu va couvrir assez large. Mais si vous êtes un maniaque de la série, la version collectionneur vaut définitivement la peine. Après ça, le deuxième jeu que j'ai parlé de Naruto Ultimate Ninja Ninja Storm 2 sur la PlayStation 3, qui est un jeu de combat très divertissant. Si vous cherchez un jeu de combat party avec des combats très très courts, un graphique très impressionnant, une story très, très approfondie qui suit une trame narrative d'un dessin animé ou d'un manga que ça vous tenterait peut-être de découvrir et ainsi lire. C'est un must encore une fois à acheter. J'ai été très impressionné. Namco Bandai a fait un excellent job au niveau de ce jeu-là. Depuis le début de la série, ils ont réussi à se maintenir à jour, rajouter des nouveaux éléments pour garder l'intérêt. Et Kirby Epic Yarn, qui est un jeu de Nintendo et comme la majeure partie des jeux de la bibliothèque Nintendo faite par Nintendo, c'est un succès à mon avis. Là. Ils ont réussi à garder encore une fois l'intérêt des joueurs captivé au niveau là, de ce jeu-là. Excellent. Merci beaucoup, Ando, d'avoir été à l'émission aujourd'hui à Puissance Maximale. Et on remercie François G. Couillard qui était avec nous également pour parler un peu d'actualité. Et ça met fin à notre édition du 25 octobre de Puissance Maximale, la semaine du 25 octobre. Merci beaucoup à vous tous, chers auditeurs et auditrices de CKIA, ou bien si vous le téléchargez par notre site Internet. Merci d'être là. On vous lit à chaque semaine. Ça nous fait plaisir de faire une émission sur le monde ludique et la culture geek également pour vous, Puissance Maximale. Et bien, on vous souhaite à tous et à toutes, en terminant, une excellente semaine de jeu. Et amusez-vous bien. Get a little harmonica. I'm sorry. I got my 12-sided die and I'm ready to roll with a wizard and my goblin crew.